lèvres s'approchent, la nuit se trouble. Chaque souffle m'attache, chaque seconde double. Red Skill murmure, son nom m'obsède. La foule frissonne, l'envie la possède. Tes mots caressent, brûlant et lent. Chaque silence pèse, chaque geste est aimant. Red Skill charme, ce chuchot domine. La foule soupire, prisonnière de la ligne. Ton souffle me guide, je ferme les yeux. Chaque vibration m'emporte aux cieux. Ton ombre glisse, enlace mon corps. Chaque note tremble, résonne plus fort. Red Skill susurre, mes veines s'enflamment. La foule succombe, ivre de sa flamme. Whisper deep, lose control. Frissonne, la chaleur s'élève. Chaque cri s'étouffe, chaque ombre se crève. Près de ce qu'il règne, ses mots enchaînent. La foule tremble, la peine, pas la peine. Nos voix se frôlent, ton nom m'enchaîne. Chaque soupir nourrit ma veine. Tes lèvres tremblent, mes yeux s'embrasent. Ton souffle m'écrase, tes mots m'écrasent. Red Skill charme, son nom m'obsède. La foule succombe. Whisper deeper, lose control. Rider's skill invades my soul. Every breath burning near, obsession grows crystal clear. La nuit s'efface, mais nos voix persistent. Chaque souffle est gravé, chaque cri existe. Red Skill susurre, son nom demeure. La foule soupire.